Être ou ne pas être. Ok. TS9, numéro 12, gros. Yeah. Ok. Les couleurs vertes du MRT. Yeah. Ok. J'accorde mon heure, le cœur, cette propagande légale. Avec mon micro comme parloir, moi, c'est ça. On rêve de réalité en pleine réflexion. On rêve de réalité en pleine réflexion. En 2012, on est servi le blues et de sortie tristante. Merde, on s'en marque un temps qui est servi. En 12 ou en seul, type à 11 ou en équipe. C'est là car nous s'en cogne comme la fin pour la fricrelle. Et puis on chope nos plumes avec des pincettes. La liberté tape un régime à base de pain sec. Viens voir l'artiste boy et sa cogne dans mon jardin. Secret ou pas comme DSK, je me reproche toutes ces catins. La France tape un régime, s'abîme de drogue sec. À la téloge, des tas de putes se déshabillent, ça pour tes poches, mec. Viens voir les jeux en juin, en juillet, jamais on ne juge. Viens voir ce feu, une fois tu fuis, ça t'amène au refuge. Bulletin de vote, URSS ou US, ça comptait sans compter. Ça pue la mort d'une mère de contexte. L'impro est hard, et je me reproche des couplets. Mais sans la rage, jamais de gagne, pour tout est soufflé. Sur un fond, basé sur l'être, à base d'un peu de neuf. C'est comme un être ou ne pas être, à base des quêtes de seuf. Et puis on chope plus, on chope des pensées, des pensées. Question réponse basée sur l'être, à base d'un peu de neuf. C'est comme un être ou ne pas être, à base des quêtes de seuf. La liberté, la barrière, la barrière, la pensée. Les couleurs pères du MFT. La commandeur, le peuple, c'est trop pas de l'égale. Tout le monde dans la vie. Question réponse basée sur l'être, à base d'un peu de neuf. C'est comme un être ou ne pas être, à base des quêtes de seuf. Question réponse basée sur l'être, à base d'un peu de neuf. C'est comme un être ou ne pas être, à base des quêtes de seuf. Really good.